ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Dans les deux recueils authentiques, on trouve un hadith très connu, rapporté par le noble sahabi Ibn Abbas, radiallahu anhu, qui dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, raitu al-Nabi, obel qala, rufiat li al-umam, fa raitu al-Nabi ma'ahu aruhayt, wa al-Nabi ma'ahu ar-rajul ar-rajulan, wa al-Nabi ma'ahu Il a dit que les communautés m'ont été montrées. Et j'ai vu le prophète accompagné, qui vient avec un petit groupe de suiveurs. J'ai vu le prophète accompagné de un ou deux hommes seulement. Et j'ai vu le prophète sans aucun suiveur. Thumma raitu sawadan aziman. Fadhanantum annahum ummati. فَقِيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ Il a dit, puis j'ai vu une grande masse noire, et j'ai songé, j'ai cru qu'il s'agissait de ma communauté à moi. Et on m'a dit, il s'agit de Moussa et de sa communauté. وَلَكِنْ أُنْذُرْ إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرِ Seulement, on regarde de l'autre côté. Nous laissons tourner de l'autre côté. قَالَ فَرَيْتُ سَوَادًا عَظِيمًا يعني أعظم من الأول فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ Donc, quand j'ai regardé de l'autre côté, il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu une masse humaine encore plus grande que la première. Et il m'a été dit, voici ta communauté. Wa ma'ahum sab'un alfa aw sab'un alfa yadkhuluna al-janna bighayri hisab wala 'adhab. Il lui a été dit, et avec cette communauté-là, rajoutzi 70 000 personnes qui rentreront au paradis sans rendre de compte. Ni être châtié. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله. فبدأ الناس يتكلمون في هؤلاء. فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أشياء. Donc certains des lorsque le Nabi صلى الله عليه وسلم est entré dans sa maison, les gens ont commencé à discuter à propos de ces 70 000. Qui sont-ils? Donc certains ont suggéré, peut-être sont-ils des gens qui sont nés en islam et qui n'ont jamais fait de shirk. Et d'autres ont dit, peut-être qu'il s'agit de gens qui ont accompagné le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont cité plusieurs choses. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kharaja, faqala, mallazi tatahadathuna fihi, fazakaru, faqala, hum allazina layastarqun, walayaktahun, walayatatayyaroun, warabbihim yatawakkaloun. Donc, ils les interrogeaient à propos de quoi vous discutez. Là, les sahaba, ils ont dit, on discute à propos de ces 70 000. Qui sont-ils? Et de là, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on en fasse ruqya. Ni ceux qui se guérissent, qui se soignent par cautérisation. Ni ceux qui font preuve de mauvaise augure, mais ce sont ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur. Hadha wa shay' min al-hadith. هم الذين على ربهم يتوكلون ceux qui ne passent leur confiance qu'en Allah. فهذا وموضوع هذا اللقاء حول التوكل. Un bref rappel au sujet du tawakkul. توكل هذه عبادة جليلة من شروط الإيمان. C'est une adoration qui est immense et qui est parmi les conditions de la foi. لأن الله عز وجل قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Et c'est à Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes croyant. Si vous êtes croyant. Ça veut dire que le croyant est obligé de faire preuve de tawakkul. وقال عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وتليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Il a dit, les croyants sont seulement ceux, lorsque le nom d'Allah est évoqué, que leur cœur frémisse, et qui leur ajoutent de la foi et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Donc ça, c'est parmi les sifats du croyant. Il fait preuve de tawakkul. Le tawakkul a été défini comme étant al-i'timad ala Allah bi-sidq wa al-akhdh bil-asbab. C'est quoi le tawakkul? C'est le fait de se reposer totalement sur Allah avec véracité, tout en prenant les causes. Non. Donc ce tawakkul, c'est une adoration qui ne se fait que pour Allah Azzawajal. Cette confiance absolue, on ne peut l'avoir qu'en lui. Liyanallaha ala kulli shay'in qadir. Allah est omnipotent, il peut tout faire. Donc on ne peut pas dire atawakkul alayk ya fulan. Quelqu'un ne pourra pas dire je place ma confiance en toi, il y a un tel, dans le sens de tawakkul. En français, peut-être ça peut se dire, mais en arabe, ça ne se dit pas. D'accord? Par exemple, demain, tu as rendez-vous avec un frère, tu lui dis, Yari, demain, rendez-vous à telle chose, je te fais confiance, Inch'Allah, tu arrives à l'heure. Là, ce n'est pas tawakkul. C'est la personne, en fait, tu espères d'elle une chose qu'elle est à la base, qu'elle t'a toujours habitué, c'est d'être ponctuel. Mais tu sais qu'il se peut qu'il arrive en retard. Mais dans le sens, soit à l'heure, j'ai besoin de toi, je te fais confiance par rapport à ça. Mais en français, tu ne diras pas « atawakkal alayk ». En arabe, je veux dire, tu ne diras pas « atawakkal alayk ». Pourquoi? Parce que le tawakkul, c'est une forme d'appauvrissement devant celui en qui tu places cette confiance-là. C'est-à-dire tu as besoin de lui impérativement. Sans lui, tu n'arriveras pas à faire ce que tu as à faire, tu n'obtiendras pas ce que tu attends. Donc ça, ce tawakkul-là, il est que pour Allah Azzawajal. Et comme on l'a dit, celui qui n'a aucun tawakkul, ce n'est pas un croyant. Après le tawakkul, il diffère chez les gens. Plus la foi elle est forte, plus le ilm est large, et plus le tawakkul il sera fort. Biiznillah ta'ala. Et tu verras que beaucoup de gens tombent dans les transgressions, dans les ma'asi, à cause de leur faiblesse dans le tawakkul. Que pour eux, ils n'ont pas assez de confiance en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui leur a promis plein de choses. À quelles conditions? Qu'ils craignent et qu'ils obéissent. Donc de là, les gens, pour obtenir des choses que eux pensent être à leur avantage, parmi les choses mondaines ou autres, et qu'ils se hâtent à vouloir les avoir avant leur temps, tombent dans les transgressions par rapport à ça. Mathalan, une chose qui est aujourd'hui très répandue, très fréquente, fi bab al-amal, dans le travail par exemple. Combien de gens font du travail dans des conditions haram, c'est-à-dire c'est un travail qui est halal, de base, mais les conditions de travail elles sont haram. Ou le contraire, un travail qui est haram de base, il va le faire quand même. Il va te dire, j'ai besoin de travailler pour vivre. Par exemple, j'ai besoin de travailler pour vivre. Si je ne travaille pas, je ne vis pas. On dit, est-ce que tu penses que Allah Azzawajal, si tu lui obéis, va te laisser mourir de faim? Il n'osera pas te dire oui. Il n'y a pas un croix qui va te dire, si, c'est pas possible. Il sait qu'il ne peut pas te dire ça. Donc on lui dit, pourquoi alors tu fais ce travail qui est haram? Il va te dire, j'ai rien trouvé d'autre. D'accord? Ça va être ce qu'il va te donner. On va te dire, du travail halal, tu vas en trouver, si tu en cherches. Et rappelez-vous, il y a une semaine, on a fait une kalima par rapport à ça, à taqwa. Mazakarna min ayat, wa man yattaqillaha, yajallahu makhraja, wa yarzukhu min haythu la yahtasib. Que celui qui craint Allah, il lui accorde une issue et lui apporte sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Donc Allah te l'a promis. N'y crois-tu pas? N'as-tu pas confiance? Ou alors tu y crois, tu as confiance, cependant, tu veux que ça vienne plus vite que prévu? Et tu penses que ce travail-là va donner plus que ce que tu pourrais faire si tu avais un travail halal. On dit non, mais c'est possible que tu aies plus. Waqallah Azza wa Jal, qu'il est le khabith ou le tayyib, walou arjabaka kasatul khabith. Et sache que le bon et le mauvais ne sont pas égaux, même si le mauvais t'attire. C'est-à-dire plus de bien t'attire, mais ce n'est pas égal avec moins de bien dans lequel il y aura une baraka. Donc en fait, les gens, En réalité, ils ne travaillent pas pour vivre, mais ils travaillent pour avoir du surplus de vie. Avoir du surplus. Avoir une garantie de confort. Avoir une sécurité. D'accord ? Et ça, c'est une chose qui s'oppose à la pureté du tawakkul. جاء حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو توكلتم أو plutôt c'est un كلام de عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير يغدو بطانا ويروح خماصة أو خصامة أو خماصة نعم. Il a dit quoi Omar? Il a dit si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit réellement, comme il se doit réellement, il vous nourrirait comme il nourrit l'oiseau. L'oiseau part le matin, le ventre vide, il rentre le soir, le ventre rempli. Donc Allah te l'a garanti, te l'a promis. Donc quel intérêt aller lui désobéir pour obtenir cette chose-là? Sans compter que ton risque est déjà écrit alors que tu es dans le ventre de ta mère. Donc on est dans le ventre de ta mère, comme dans le hadith d'Ibn Mas'ud, y a-t-il malak? Il y a un ange qui vient une fois que tu es formé, que tu atteins les 4 mois, que le souffle de vie t'a été donné. وَيُؤْمَرَ الْمَلَكِ بِكِتْ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ Qu'on lui... Cet ange qui vient mettre le souffle de vie dans le fœtus, il lui a ordonné d'écrire 4 choses. قَالْ أُمِرَ بِكِتْ رِزْقِ وَأَجَلِ وَعَمَلِ وَسَعِيدْ أَوْ شَقِي Que cet ange, les 4 choses qui sont ordonnées d'écrire, sont ta subsistance, ton temps de vie, les œuvres que tu vas commettre, et est-ce que tu seras du nombre des damnés ou des heureux. Donc ton risque était écrit à la base. Wa qala an-nabi sallam lam tamut nafsan illa qad stawfat rizqaha aw rizqaha, que tu ne verras pas une âme quitter ce monde sans qu'elle ait pris ce qui lui a été écrit comme risque. Tu n'auras rien de plus, rien de moins. Tu n'auras rien de plus, rien de moins. Cependant, ce risque que tu vas avoir, il peut être haram. Ça reste du risque d'Allah Azzawajal. Même un voleur, s'il vole, ce qu'il a pris, on ne va pas dire que ce n'est pas du risque. C'est du risque, mais c'est du risque qui est haram. Vous voyez ? Et toi, comme Kamal ibn Qayyim, il a dit, tu te surcharges d'une chose et tu transgresses et tu désobéis pour une chose qui était déjà garantie à la base. Elle était déjà garantie. Et au contraire, tu te minimises de choses qui te sont imposées dont tu ne connais pas l'aboutissement. Tu ne sais pas si tu seras du nombre des... Bien que c'est déjà écrit. Mais tu ne sais pas si tu seras du nombre des bienheureux ou des malheureux. Tu ne le sais pas, ça. Mais que tu ne mourras pas de faim, tu le sais déjà. À part si Allah la Qadar, tu vas mourir de faim. Si tu meurs de faim, c'est qu'Allah la Qadar que lui, il est mort de faim. Des gens meurent de plein de choses. T'en as, ils meurent de maladie, t'en as, ils meurent d'accident, t'en as, ils sont tués par meurtre, t'en as, ils meurent par erreur, ainsi de suite. Et Allah la Qadar que des gens, ils meurent de faim. D'accord ? Est-ce qu'on va dire, comme t'as été obéissant, t'es mort de faim ? On dit non, Allah la Qadar, je suis mort de faim. J'aurais pu être milliardaire si Allah la Qadar, je suis mort de faim, je vais mourir de faim. Et même si je suis le plus pauvre des hommes, si la Qadar, je vais mourir d'une intoxication alimentaire, d'un truc que j'ai mangé en plus, ou d'autres, je mourrai de cette façon-là. Mais est-ce que tu le sais, toi, à l'avance? Tu ne le sais pas. Mais tu sais que si tu agis bien, tu auras la récompense. Et que si tu agis mal, tu es sous la menace d'un châtiment. Ça, tu le sais, ça. Ça, on le sait tous. Et les gens, justement, ont trop cette tendance à vouloir avoir toute chose garantie et planifiée. Tout doit être garanti et planifié. On dit « Ah, da yukhalif tawakkul ». L'exemple de l'oiseau qui part le matin, qui rentre le soir. Est-ce qu'il fait un programme sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Le jour même. Il part le matin, le ventre vide, il rentre le soir, rempli. Il a eu son risque. Nous, on veut trop de choses pour pouvoir s'engager. Mathalène, on veut un travail, on veut un CDI. Pourquoi? Parce que je sais que je vais travailler longtemps, Inch'Allah. Tu vois. Tu ne sais pas. T'as des gens, ils travaillent peut-être en intérim, mais ils vivent mieux que toi. Ou t'en as, ils font du commerce, du jour au lendemain, ils vivent mieux que toi. Ou également, on veut acheter des choses, par exemple, je ne sais pas moi, une voiture, ou autre, il faut une assurance. Pourquoi ? S'il y a un accident, comment je vais faire ? Comment tu vas faire si c'est un accident ? Bah, tu vas payer. Les assurances, c'est des choses qui sont nouvelles. Avant, les gens ont toujours des objets, des richesses, et il y a toujours des accidents, et tu dédommages. Si tu n'as pas d'assurance, bon, ici, c'est imposé, c'est autre chose, c'est vrai. En France, c'est imposé par les lois, mais dans d'autres pays, l'assurance n'est pas imposée. Et des gens vont la prendre quand même. Pourquoi ? Ils disent, on ne sait jamais. On ne sait jamais de quoi. Bah, si jamais j'ai un accident, bah, tu as l'accident, tu dédommageras, c'est tout. Et il se peut que tu payes une assurance toute ta vie, tu n'as pas un accident. Combien tu as perdu d'argent ? Tu as perdu plus que si jamais tu avais un accident dans ta vie et tu aurais dû la payer. Quand on fait le compte au final, d'une longue vie. Tu as payé combien par mois ? Attends. Fais le compte, combien tu as payé toute ta vie ? Tu aurais peut-être acheté 4 voitures avec cet argent-là. Tu vois ? Mais comme tu as eu peur de t'engager là-dedans, d'avoir une voiture ou d'avoir un commerce non assuré, d'avoir telle chose qui n'est pas protégée, eh ben alors, voilà. Parce que les assurances sont des choses qui sont interdites en religion. Dans quel sens ? Ça rentre dans le jeu du hasard. Tu payes pour une chose, à la base, que tu ne mérites pas. Il se peut que tu payes tant de sommes mensuellement, et après, tu challenges pour débattre un accident, ils vont te donner plus d'argent que ce que tu leur as donné. Cet argent-là qu'ils te donnent, tu ne le mérites pas. Tout comme il se peut que tu n'aies rien, et qu'ils ont mangé ton argent, justement. Ils ont pris un argent de toi, sans raison, qu'ils ne méritent pas eux. Ça rentre dans le jugement des jeux de hasard. En fait, les ulama disent que le ta'min, assurance, ça rentre dans le jeu de hasard. Donc maintenant, c'est quoi qui force les gens à rentrer dans ce genre de domaine ? C'est d'arf et tawakkul. Ils veulent tout planifier, tout prévoir et tout anticiper. On dit, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Donc le tawakkul, c'est quoi ? On a expliqué. Si tu te remets à Allah Azzawajal, dans ce que tu veux faire, tu lui fais confiance. Mais tu prends les causes. Les causes, légiférer. Les causes, légiférer. Tu veux des enfants ? Tu te maries. Par exemple. D'accord ? Pour avoir des enfants, dans le licite. Tu veux un travail ? Tu as le droit d'avoir un travail. Le problème, c'est que des gens, aujourd'hui, ils ont un fikr, une pensée du travail, que sans travail, on ne vit pas. D'accord ? Sans travail, on ne vit pas. On dit que ce n'est pas vrai. Les moyens de risque, ils sont très nombreux, autres que le travail. Le travail, c'est un qui, on va dire, qui est connu, qui est répandu, mais ce n'est pas forcément le plus grand. Déjà, le tabac coule en lui-même. Le tabac coule en lui-même, c'est une cause de risque, comme on l'a cité dans le verset tout à l'heure. Yarzokum l'haythu la yartasib. D'accord ? Et le travail, les gens, aujourd'hui, disent le travail, c'est l'adoration. On dit mayalzam. C'est pas obligatoire. À la base, le travail, c'est une chose qui est permise. Tu n'auras aucun verset où Allah Azzawajal dit il faut que tu travailles, si tu ne travailles pas, tu es dans le péché. C'est pas vrai, il n'y a pas de verset qui dit ça. Le travail, c'est noble. Dans quelles conditions ? Si tu le fais dans le halal. C'est là qu'il est noble. Sinon, il est dans le haram, il est contre toi ce travail. Wallah, le travail, c'est une chose qui touche tout le monde. Les koufars, les musulmans, tout le monde travaille. Donc il n'y a aucun mérite à travailler par rapport à d'autres personnes par rapport à ça. Mais comme Kamakot Zakarna, Inakamakum Allah Atkaakum, le plus humble, le plus anobli auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Donc ton travail n'aura de la valeur que s'il est sur la taqwa, donc dans l'obéissance. Sans quoi un travail haram, il n'y a aucune valeur dedans. Vaut mieux être chômeur. Chômeur, parce que tu ne trouves pas de travail halal, que d'être un grand bosseur, un gros bosseur dans ce qui est haram. Tu as des gens pour eux, si tu ne travailles pas, on dirait que t'es un moins que rien, tu n'as pas de valeur. Tu as des gens qui ne travaillent pas parce qu'ils sont fainéants, parce qu'ils disent, j'ai pas trouvé un travail qui correspond à la religion. C'est tout. C'est pour ça que je ne travaille pas. Sinon, si tu voulais travailler, je travaillerais. Donc, il ne faut jamais oublier. C'est une chose, à la base du travail, c'est une chose qui rend les choses permises. Allah te l'a rendu permis. Et ces choses permises, leur jugement peut varier d'un hal à un autre. Des fois, ce travail, il peut être haram. Des fois, ce travail, il peut être détestable. Il va t'amener à faire des choses qui pourront tenir par la suite. Ce travail, il peut être recommandé. On va dire, toi, ce travail-là, ce serait bien pour toi. Et des fois, il peut être wajib. Quand quelqu'un, qui a, par exemple, je ne sais pas moi, qui a une famille à nourrir et qui n'a rien devant lui, qui n'a pas de rentrée d'argent, rien du tout, d'accord ? Aucune voix, on va dire, arrête, toi, il faut que tu travailles. Mais quand on dit wajib, il faut que tu cherches un travail dans le halal. Dans le halal. Yom al-qiyama. Tout l'argent que tu as amassé, tu seras interrogé. Comment tu l'as eu ? Cette belle voiture que tu as eue, comment tu l'as eu ? Ce loyer que tu payes, par quel salaire tu l'as obtenu ? Ce voyage que tu as fait à tel endroit, par quel argent tu l'as eu ? Yadkhulu an al-janna al-fuqara qabla al-aghniya bi 500 am. Que les pauvres rentreront au paradis 500 ans avant les riches. Pourquoi? Parce que le riche, il sera interrogé sur l'argent, comment est-ce qu'il a obtenu et dans quoi il a dépensé. Et est-ce qu'il a remercié Allah Azzawajal dans cet argent qu'il a obtenu? Et comment on le remercie? Que cet argent-là soit obtenu dans le halal. فَالَّذِي يُرْفَعْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَوَجَلْ مَا هُوَ الْأُجْرَى. Ce qui va être auprès d'Allah Azzawajal, ce n'est pas ton salaire. Ce sont tes œuvres. كَمَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَيِّتْ يَدْبَعُ ثَلَاثَةً وَيَرْجِعْ اثْنَانِ. Le mort, lorsqu'il ira, il sera enterré, trois choses vont le suivre et deux vont revenir. Trois choses vont le suivre et deux vont revenir. يَدْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ. Il sera suivi par sa famille, par les biens qu'il a acquis et par les œuvres qu'il aura accomplies. وَيَرْجِعْ يَبْقَى وَاحِدْ يَبْقَى اثْنَانِ. Dans sa tombe, parmi ces trois choses-là, une seule va rester et deux vont repartir. Qu'est-ce qui reste avec lui? Ses œuvres. Son argent va repartir et sa famille va repartir. Donc l'argent que tu auras amassé, dans ta tombe, il ne sera pas avec toi. Il ne te servira que si tu l'as obtenu dans le halal et que tu l'auras dépensé dans le halal. Là, il va te servir. Sans quoi? Il sera contre toi. Donc, il rentre dans quoi cet argent-là en réalité? Dans les bonnes œuvres. Dans les bonnes œuvres. Donc tu vois des gens, subhanallah, قدم الدنيا على الآخرة ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله ليهدي القوم الكافرين. C'est du fait qu'ils ont préféré ce bas monde à l'au-delà et que Allah ne guide pas un peuple de mécréants. Cela ne veut pas dire que celui qui fait cela est un mécréant. Là le verset parle des gens qui ont délaissé l'islam pour ne pas perdre leur privilège. Il n'en parle pas des musulmans qui ont fait des péchés pour avoir de l'argent. Là, le verset ne s'applique pas là-dessus. Mais le début, oui. Qu'il y a un blâme d'avoir fait devancer les biens mondains sur la récompense de l'au-delà. Et aujourd'hui, c'est un mal qui nous touche à tous. Pourquoi? Parce que le tawakkul, c'est une chose qui n'est pas acquise. On a trop peur. On a trop peur. On a peur de quoi? De l'inconnu. Alors que cet inconnu, Allah Azzawajal nous a promis. Subhanallah, Allah Azzawajal, il donne aux Yahoud, il donne aux Juifs qui l'ont insulté, qui disent qu'il est avare. Il donne aux Nasara qui l'ont insulté, qui disent qu'il a un fils. Il donne aux bouddhistes qui l'insultent et qui partagent son adoration avec des vaches, avec des rats, avec des statues. Il donne aux athées qui l'insultent, qui disent qu'il n'existe pas. Il donne aux porcs cette viande qui nous est interdite. Il donne aux cafards, il donne à tout le monde. Il ne va pas te donner à toi ce que tu l'obéis. Ala sozon billah. Ça, c'est penser du mal dans Allah Azzawajal. Maintenant, quelqu'un va te dire, je sais qui va me donner. Oui, mais tu veux plus que ce que Allah pourrait te donner, en fait. Ce qu'il te donne, ça ne te suffit pas. Alors que dans le hadith, c'est venu le fort de celui qui a son repas du jour et qui a pris l'islam comme religion et qui se contente de ce qu'Allah lui a donné. Celui-là, il a dit « Kod aflah ». Il a réussi. Il a pris l'islam comme religion. D'accord? Il a ce qui lui suffit chaque jour comme repas et pour s'habiller, pour couvrir sa awra, nourrir sa famille, avoir un toit. Et il se contente de ce qu'Allah lui a donné. A dit Nirma Azim, cependant nous on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Qu'Allah Azzawajal, Al-Hakumut Takathur, Hatta Zurtumul Maqabir. Que l'amassement de biens vous a distrait jusqu'à ce que vous ayez visité les tombes, c'est-à-dire jusqu'à ce que la mort vous vienne. Vous avez oublié la mort, pourquoi occuper à amasser de l'argent? Et c'est ça le problème. Ce n'est pas le problème de prendre de l'argent pour pouvoir vivre, non, d'en amasser, d'en avoir toujours plus. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم وادي من ذهب لحب أن يكون له واديان. Que si le fils de Adam avait une vallée d'or entière, il voudrait en avoir une deuxième. ما يشبع. Il est jamais rassasié. Jamais rassasié. Et pour avoir ses biens, c'est là qu'il l'enfreint. Alors que son risque lui est garanti. Et comme on l'a dit, le peu de risque avec l'adoration d'Allah Azza wa Jal, tu auras une baraka. Donc ce tawakkul à la base est censé te rendre courageux. Le tawakkul donne du courage. Celui qui a un vrai tawakkul, il est courageux, il n'a pas peur de ce genre de choses. Il peut, on va dire, être anxieux un peu ou être appréhendé d'une épreuve difficile comme celle de la pauvreté. Ça, ce n'est pas blâmable. D'accord? Mais maintenant, cette appréhension, il ne faut pas qu'elle amène à tomber dans le haram. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il était jeté au feu pour avoir détruit les idoles des mouchriquins, il a dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Il a dit que Allah me suffit, il est quel bon garant. On te jette au feu. Je sais pas si tu vois un feu devant toi. On te jette dedans. Et lui, il a dit quoi? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit, quel bon garant. Encore Allah Azza wa Jal, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Car là, il a dit quoi? Au feu, soit fraîcheur et paix pour Ibrahim. Le feu ardent a été rendu fraîcheur et c'est paix pour Ibrahim. Pourquoi? Parce qu'il a mis le tawakkul dans son cœur. Il n'a pas eu peur. وقال عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Et ceux, lorsque les sahaba se sont réunis et qu'on leur a dit que tout le monde s'est réuni contre vous dans la guerre des coalisés, c'est-à-dire les Yahoud, les Mouchrikoun, les Nasara, sont tous unis, vont vous attaquer. Donc ayez peur. Qu'est-ce que ça a fait? Ça leur a rajouté de la foi. Ils ont dit حسبنا الله ونعم الوكيل. Ils ont dit quoi? Que Allah nous suffit et quel bon garant. Cette foi, dans leur cœur, elle est montée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la promesse, ils savaient qu'ils allaient être attaqués. Donc ils ont vu que ça s'est réalisé. Et lorsqu'on leur a dit, l'ennemi va vous cerner de toutes parts, et il vient de toutes les directions, et de toutes les firaq, ils ont dit quoi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et de là, c'est Allah Azawajal qui a débarrassé les sahaba de ses ennemis par des vents et par le sable. Ils n'ont même pas eu besoin de combattre. Alors qu'ils étaient sur le point de le faire. Et pourtant, par leur tawakkul, ils ont fait face. Et au final, Allah les a débarrassés de leurs ennemis sans même avoir à combattre. Allahu Akbar. Donc, le tawakkul, on l'a dit bien. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَلَوْ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْ مِنْ حِسْلَ يَعْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ اللَّهَ فَوَ حَسْبُهُ. Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffira. Mais ce tawakkul, il faut le comprendre. Et il faut le vivre. Et dans des pays comme celui-ci, voilà, le tawakkul, il est tué. Car on vous habitue à tout avoir, à l'avance et tout prévoir. Donc quelqu'un qui a un salaire qui lui garantit la fin du mois, tu le verras rarement lever les mains et dire « Allah, donne-moi, je suis dans le besoin. » Parce qu'il sait qu'il va avoir. Contrairement à celui qui n'a rien. Il ne sait pas si demain, qu'est-ce qu'il va avoir demain, après-demain, dans une semaine, il ne sait pas. Donc qu'est-ce qu'il fait, lui? Il demande à Allah Azzawajal. Il fait une ibada. Il invoque. Donc qui est le plus aimé des deux auprès d'Allah Azzawajal? Le pauvre qui adore ou le riche qui se passe? C'est le pauvre qui adore. Parce que ce pauvre-là, il sait que c'est seul Allah pourra lui donner. Donc il fait quoi? Il demande à Allah, Azzawajal. Tandis que l'autre, il se repose. Il dit, je sais qu'à la fin du mois, j'ai un paye qui arrive, tranquille. Donc tu ne verras pas trop s'inquiéter d'invoquer par rapport à ça. Et par rapport à Kazalik, toutes les aides qu'on donne dans ces pays-là, les aides sociales, ça amène à ce que demain, si on te dit dans un pays, il n'y a plus d'aide, tu dis, mais comment je vais faire? Il n'y a plus la sécu, comment je vais faire? Il n'y a plus d'assurance, comment je vais faire? Il y a des pays, il n'y a pas de sécu. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas tout ça. Les gens, ils vivent. Donc, comment ils font, eux? Ma fait comme eux. Wa tawakkal Allah Azza wa Jal. Encore quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, Yabna Adam, tafarra li ribadati, amli sadrak, rina, wa asud fakrak. Wa lam tafhal, malatu sadrak, fakran, ou shuhuran, wa lam asud hajatak. Il a dit quoi? Ô fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration. Et je remplirai ta poitrine de richesse, c'est-à-dire de contentement. Et je mettrai fin à ta pauvreté. Et si jamais tu ne le fais pas, c'est-à-dire tu ne m'adores pas, comme il se doit, je remplirai ta poitrine d'occupation, de préoccupation, tout le temps occupé, tout le temps préoccupé, tout le temps anxieux, tout le temps inquiet, tout le temps dans la peur. Et je ne mettrai pas fin. Du moins, je ne mettrai pas court à ta pauvreté. Les gens vont dire, mais comment ce hadith? T'as des koufas, ils dorment par là, ils ont de l'argent. On dit, non, si on la regarde dans leur patron, comment ils sont préoccupés tout le temps. Tout le temps préoccupés. Et tu les vois riches, eux, leur richesse quand même réduit, bien qu'ils resteront toujours riches, eh bien, ils se voient comme étant pauvres. Donc, il a tout le temps peur. Il a 2 millions, s'il perd 500 000, il est en panique. Avec 500 000 euros, c'est ce que tu pourrais faire avec d'autres personnes. Ben lui, même s'il est riche, il est tout le temps en panique de perdre. Tu vois? Il est tout le temps obligé de travailler dans son commerce, tout le temps obligé d'investir ou quoi pour pas que ça parte. Tu le vois riche, mais il est tout le temps anxieux. Il rentre dans ce hadith-là. Alors que celui qui se consacre à Allah Azzawajal en faisant les causes, bien sûr, bah tu le vois, il est reposé. Il n'a pas beaucoup, mais ne s'inquiète pas. Il dit, Allah va toujours me trouver une solution. Et quand on dit, tafarra al-ibadati, c'est pas que tu restes au mosquée du matin au soir sans rien faire. Ça veut dire qu'en fait, c'est quoi l'adoration ? Ism al-jami' lima yuhibbuhullah min al-aqwal wal-af'al al-zahira wa batina. C'est un mot d'ensemble qui regroupe tout ce que Allah il aime, comme parole et comme acte, qui soit apparent ou caché. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu fais la salat toute la journée, tu jeûnes tous les jours, tu fais qu'il y a toute la nuit. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu, quoi que tu fasses, tu le fais dans l'obéissance. Le travail, c'est l'heure de la salat, tu t'arrêtes, tu vas faire salat. C'est pas que tu regroupes le soir. Mathalan. Le travail, il y a du haram, tu délaisses. T'adores Allah en faisant cela. Par exemple. Le travail, on te force à faire telle chose qui est haram, tu dis je le ferai pas. Il dit t'es viré, fais virer moi. Même avant que tu me vires, je pars tout seul. Mathalan. En faisant cela, tu adores Allah Azza wa Jal. Tu penses que tu vas finir dans le mal en faisant cela ? Ala su'zun billah. C'est penser du mal d'Allah Azza wa Jal. Et malheureusement, ici, on cultive ce fikr. Moi, depuis que je suis arrivé, j'ai rencontré pas mal de gens, parmi les koufars que j'ai connus, tous qui posent la question. Tu fais quoi comme travail ? Tout de suite comme question. Tu fais quoi comme travail ? Tu vois. Ma yahumuhu, c'est quoi ton travail ? Comment tu vis ? Tu vois. Tu leur expliques un peu. Tu dis à la base, j'ai pas de travail particulier. Mais je fais des causes à mon échelle, à mon niveau. Et regarde aujourd'hui, toi et moi, on est ensemble, par exemple, au lycée. Ben regarde, toi, t'es marié, t'as combien d'enfants ? Il me dit, j'en ai tant, j'en ai plus que toi. Tu vois. Toi, t'es là, t'as un appart, moi j'en ai un dans mon pays au Yémen. T'as telle chose, moi je l'ai aussi au Yémen. Elle est où la différence entre toi et moi ? Sauf que toi, tu en veux plus, moi j'en veux moins. Mathalène, c'est-à-dire, ce que tu veux, moi je m'en passe. Si j'y l'ai, tant mieux, si ça vient pas, je vais pas me tuer pour ça. D'accord ? Et le musulman, c'est comme ça qu'il est de base. Sauf que toi, la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu auras peut-être plus d'argent que moi, mais tu n'auras pas, la quiétude dans le cœur qu'un musulman pourra avoir. Donc, c'est qui le gagnant entre les deux, en réalité ? C'est qui le gagnant ? C'est l'abid, celui qui adore Allah Azzawajal. Regarde bien, tu le verras. Est-ce que moi, je suis mort de faim ? Non, toi non plus. Est-ce que toi, tu as telle chose ? Il dit oui, je suis moi aussi. Telle chose, oui, moi aussi. Il va dire, moi j'ai ça, toi tu l'as pas, mais ce que je n'ai pas que toi tu as, j'en ai pas besoin à la base. Tu vois, j'en ai pas besoin à la base. Si je l'ai pas, tant mieux. Et même au Yémen, j'en ai vraiment pas besoin, par exemple. Ou un autre frère en Algérie va dire, je n'ai vraiment pas besoin de ça. Telle chose, il va dire, ça, j'en ai pas besoin de ça. Tu vois, ça va peut-être servir dans un pays comme la France. Mais moi, là où je suis, j'en ai pas besoin. Et d'autres choses que moi j'ai au Yémen, en France, tu n'auras pas besoin. Kouloubi hasbi. Chacun en fonction de là où il est. Vous voyez, ça varie. C'est quoi l'aham ? C'est de comprendre que c'est tawakkul. D'accord, c'est un sujet qui est très important, qui peut être abordé dans différents points, et on pourra en parler pendant des heures. Mais c'est une chose qui est impérative à assimiler, d'accord, à assimiler et à appliquer surtout. Et les gens qui se reposent trop sur les causes tombent dans le shirk asrar. La cause, quand tu insistes trop dessus, et que tu te bases trop sur la cause, eh ben ton irtimed à Allah, ta confiance en Allah, tu vas passer sur la cause. Et la cause, c'est une création. Donc pourquoi te baser sur une cause plutôt que celui qui a fait la cause ? C'est qui le plus fort des deux ? C'est pas Marcoul. Cette cause sur laquelle tu te bases, c'est Allah qui l'a créée. Donc base-toi sur celui qui l'a créée, cette cause-là. Mais les gens, malheureusement, à cause de leur faiblesse de foi et de leur ignorance, la cause, ils la mettent trop en avant. Et à cause de cela, beaucoup tombent dans le shirk asrar. Dans le shirk asrar. Naam. Les anbiya, lorsqu'ils ont été réfutés et refusés par leur peuple, ils ont dit wa ma lana alana tawakkal ala Allah wa qad hadana subulana wa nasbiruna ala ma zaytumuna wa ala Allah yatawakkal al mutawakkilun. Ils ont dit qu'avons-nous donc à ne pas placer notre confiance en Allah alors qu'il nous a guidés sur les champs et les bons sentiers? Nous allons patienter, endurer face à vos nuisances, et si c'est en Allah que place leur confiance, les mutawakkilun. Ils l'ont bien rappelé. C'est-à-dire, même dans l'épreuve, tu cites cela à ton opposant. Et même des gens disent que lorsque tu dis à quelqu'un, hasbiyallah wa ni'mal wakil, qui veut te faire du mal, tu lui fais peur en disant cela. Quelqu'un veut te faire du mal, on parle d'un croyant, il veut te nuire. à connaissance de cause, et tu lui dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil, tu lui dis ça, que Allah me suffit qu'il est mon garant, non, ça doit lui faire peur. Tu dis quoi que tu fasses, c'est Allah qui est mon garant. Tu vois. Ça rappelle pour lui, par rapport à ça. Donc, c'est à voir que légalement, il est parmi les deux duas que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait en sortant de chez lui, comme cela fut rapporté dans le hadith de Salama, quand il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il a dit qu'il Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Il disait quoi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au nom d'Allah, je place ma confiance à Allah, il n'y a ni de force ni de puissance, ce n'est que par Allah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dua du tawakkul. Donc ça, c'est une chose très importante à comprendre. Maintenant, chacun, il a, avec son niveau de foi, le tawakkul varie en fonction du niveau de foi. Plus la foi, elle est forte, plus le tawakkul, il est fort. Mais, il faut toujours réaliser que transgresser pour obtenir ne te fera que perdre, en réalité. Tu penses que tu as gagné en apparent, mais en réalité, tu as perdu. Et ces choses que tu auras obtenues en transgressant, par exemple, le tawakkul, en faisant des causes qui sont haram, ou quoi, takun alayka yawm al-qiyamah, elles sont contre toi. Et t'apporteront des problèmes par d'autres bobs, par d'autres portes, malheureusement. Mais l'insan, khuliqa l'insan min ajal. L'être humain est créé dans la précipitation, il veut tout de suite, tout vite, et tout en quantité, et tout en masse, malheureusement. Il est même, rahimallah, à part ceux à qui Allah a fait miséricorde. Naam. Fa'azal lazi aradna natazakar al-yom, wa biyad al-qad naktafi, wa alhamdu rabbil alameen.